arbitre de l'anniversaire Holzer. Allez, 1, 2, 3. Vendredi à partir de 18h30. 18h30 dans la salle ici. Oui. Si ça vous intéresse. Oui. Alors qu'est-ce que vous allez nous montrer? Les clochers? Moi j'ai monté assez à ma religion. Il y avait hier qu'un monde comme moi qui pouvait y aller en plus des mariés. Oui, c'est un jour d'un mariage. Vous étiez enfant de cœur? 3-6 ans. Hein. Il était non, mais j'étais arrivé à me profiler dans le. Ah oui, dans la mairie. Là-haut, c'était pas large. Hein. Thank you. Il y a plein de maladies qui viennent.